Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. La Commission électorale nationale indépendante CENI a décidé l'après-midi de ce mercredi à prolonger d'une journée le retrait des cartes d'électeurs. D'autres pourront les récupérer du 16 mai au 2 juin au bureau des commissions électorales communales indépendantes. La Confédération nationale des associations des caféiculteurs se réjouit de l'augmentation du prix d'un kilogramme de café cerise récemment décidé en Conseil des ministres. Dans cette édition, on aura des réactions de la PARCEM et d'un ancien ministre de l'Agriculture. Il propose des mesures d'accompagnement. Le Burundi reste à la traîne en matière de réglementation de l'importation des produits vétérinaires, des produits pharmaceutiques et des pesticides. Et c'est dans la communauté est-africaine déplore l'autorité de régulation de ce secteur. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore une fois, page politique. Pour débuter cette édition, certains des responsables de distribution des cartes d'électeurs dans la ville de Kayanza s'inquiètent par rapport au retrait timide ce mercredi des cartes d'électeurs. Certains électeurs ne retrouvaient pas leurs cartes ou ne se retrouvaient pas sur les listes. Les détails avec Patrick Senghiouf. Le matin de ce mercredi, nous avons passé au bureau de vote Cisare Kofo Kilema en commune Kayanza. Là, on nous a indiqué que le nombre total des électeurs qui se sont fait enrôler là-bas est de 3254, mais que jusqu'hier soir, on avait distribué que 2085 cartes d'électeurs. À l'école technique Access School se trouvant en ville de Kayanza, les gens qui se sont fait inscrire là-bas venaient à compte-gouttes récupérer leurs cartes d'électeurs. Au moment où on y avait inscrit là-bas 5280 électeurs, le président de ce centre nous a fait savoir que jusqu'hier soir, on n'avait distribué que 3200 cartes d'électeurs. À l'école fondamentale, sur 4881 électeurs qui se sont fait enrôler là-bas, seuls 2982 avaient déjà récupéré les cartes d'électeurs jusqu'hier soir. Les chargés de la distribution des cartes d'électeurs à ces bureaux de vote s'inquiètent que toutes les cartes restantes puissent être distribuées aujourd'hui et demandent la prolongation de cette activité. Quant au défi à caractériser l'activité de la distribution des cartes d'électeurs en commune Kayanza, on peut parler des gens qui manquent les cartes d'électeurs alors qu'ils ont même des récépissés, c'est dont on trouvait les cartes d'électeurs alors qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes. Contacté à ce sujet le président Cécile Kayanza, celui-ci s'est réservé de tous les commentaires. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Retour en mairie de Bujumbura, toujours en page politique, pour parler de certains habitants de la ville de Bujumbura qui ont dit avoir du mal à retrouver leur carte d'électeur auprès des bureaux d'inscription où ils se sont enregistrés. Cette situation a notamment été constatée sur les bureaux de vote situés dans les zones Kinama et Ngagara. Face à ces difficultés, ils demandent une prolongation de délai afin que les corrections nécessaires soient faites. Le point avec Ornella Mucho. Dans différents bureaux d'inscription de la mairie de Bujumbura, le travail de retrait des cartes se déroulait normalement en avant-midi de ce mercredi. En zone Ngagara, au bureau de l'école primaire quartier 7, les gens s'étaient alignés pour obtenir leurs cartes. Dans ce même quartier au lycée municipal de Ngagara, les gens arrivaient un à un. Les agents de distribution de ces cartes indiquent que la plupart des citoyens préfèrent venir dans l'après-midi. De l'autre côté, en zone Kinama, plus précisément au centre d'enseignement des métiers CM Kinama, certaines personnes qui s'étaient inscrites repartaient avec leurs cartes, tandis que d'autres non, faute de ne pas figurer sur la liste électorale. Ces citoyens déplorent cette situation, affirmant qu'ils sont déjà venus plus d'une fois sans être servis. Mon nom ne figure pas sur la liste électorale et malheureusement, on est nombreux qui repartent sans obtenir la carte. C'est une perte du temps car, par exemple, moi, j'ai quitté la classe pour venir ici. Il y a même ceux qui sont revenus plus de deux fois et on ignore la cause. Ce n'est pas facile, car moi, je suis venu depuis hier, mais on n'a pas pu trouver ma carte. On m'avait recommandé de revenir. Je l'ai fait, mais toujours, je n'ai pas pu la récupérer. Pas mal de gens se plaignent de cette situation. Ils se sont enregistrés, mais ils n'obtiennent pas leur carte. Il faut prolonger le délai pour corriger ces erreurs et faciliter la récupération de ces cartes. Moi, j'ai pu récupérer ma carte, mais il y a d'autres qui n'ont pas pu l'obtenir. Ils sont venus depuis longtemps et restent ici à attendre qu'on retrouve leur carte d'électeur ou qu'on leur dise de revenir, alors que le dernier jour était prévu ce mercredi. Avec toutes ces imperfections, il faut que les délais soient prolongés. Cette situation est ainsi alors que le dernier jour de retrait des cartes au Burundi était prévu pour ce mercredi 14 mai 2025. Ornella Mucho, sur ce, la Commission électorale nationale indépendante CENI a prolongé d'une journée la récupération des cartes d'électeurs et c'est la journée de ce jeudi 15 mai. Et ceux qui n'auront pas pu récupérer leurs cartes pourront le faire du 16 mai au 2 juin au bureau des commissions électorales communales indépendantes CECI, selon le commissaire François Bizimana, porte-parole de la CENI. Et c'est dans une déclaration lue ce mercredi à la radio nationale, à la radio-télévision nationale du Burundi. Toujours en page politique, réconcilier les Burundais dans leur diversité et le partage de pouvoir par l'inclusion de différents partis politiques dans les instances de prise de décision sont certains projets que le parti UPRONA compte réaliser. Olivier Nkurunziza, président de ce parti, l'a déclaré ce mardi lors du lancement officiel des activités de la campagne électorale qui se sont déroulées en mairie de Bujumbura. Dans le but de trouver solution aux problèmes qui hantent le pays, le parti UPRONA compte renforcer la diplomatie. On l'écoute. Au niveau du parti UPRONA, notre programme, principalement dans le domaine politique, on a essayé de montrer qu'effectivement, le parti UPRONA va se baser sur l'unité nationale, dans lequel il y a des articles qui invitent le Burundi de vivre en paix dans la diversité, qu'effectivement qu'il faut développer le pays, mais aussi qu'il faut éviter toutes ces divergences, qu'elles soient politiques, religieuses, ethniques, mais aussi régionales. On peut aussi éviter ce qui peut venir nous pousser à déraper et retomber. Mais aussi au domaine économique que nous avons parlé, les défis que nous rencontrons aujourd'hui, la cherté de la vie, manque de produits de première nécessité, les carburants, tout. Et vous voyez, les fumiers, tout cela, les Burundais ont soif. Et le parti UPRONA a présenté effectivement un programme politique qui montre effectivement la façon dont il va résoudre tous ces problèmes parce que nous avons des économies chevronnées, mais aussi relations diplomatiques. Et nous avons pu montrer que nous devons essayer de faire tout pour que les pays voisins, même au niveau international, que les relations s'améliorent davantage, mais surtout en envoyant dans ces missions les responsables, des personnes chevronnées avec l'expérience, pas des personnes seulement pour percevoir de l'argent, mais qui ont charisme. Et mais aussi qui peuvent effectivement défendre le Burundi, qui n'ont pas peur, mais qui savent comment la diplomatie opère, qu'il soit offensif ou défensif. Mais il faut qu'on améliore. Nous avons besoin de réconcilier tous les Burundais, parce que quand on réconcilie une partie des Burundais, c'est créer aussi d'autres problèmes et nous resterons toujours dans les mêmes problèmes. Mais que ça soit effectivement dans l'ensemble de tous les Burundais, pour qu'il y ait l'empathie, mais aussi la réconciliation qui aide le Burundi de vivre en paix et non pas à se séparer. Isanganiro, la radio de l'avenir. Poursuivons cette édition à 18h09 dans les studios de la radio Isanganiro. La Confédération nationale des associations des caféiculteurs du Burundi, SENAC, Murima Usangi, dit avoir bien accueilli la mesure du gouvernement de revoir à la hausse le prix du café cerise, passant de 1300 francs, de 1380 à 2800 francs burundais par kilogramme. Jean-Pierre Nabomenyere, président de cette confédération, souhaite que l'augmentation des prix sur le marché international suive le même cours au Burundi au profit des caféiculteurs. Suivez-le dans cette traduction française d'Alain Désiré Boukénez. Ugambere turakingurukira leta cyane kwigoro yagize kukura ko murimyi w'ikawa ashemwe ingufu zidasanzwe cyane mu kurondereza. Nous saluons la mesure du gouvernement de revoir à la hausse le prix en faveur des caféiculteurs. C'est d'une certaine manière reconnaître les efforts que fournissent les agriculteurs. En tant que représentants des caféiculteurs, nous sommes satisfaits. Nous savons que la nouvelle mesure a tenu compte du prix au niveau du marché international. Nous demandons que le gouvernement tienne compte chaque fois de ce critère, quitte à hausser le prix pour le bien des caféiculteurs. Au cas où le prix au niveau international monte en outre, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour augmenter la production. Notre rôle sera de sensibiliser les caféiculteurs pour qu'ils concentrent beaucoup plus de préoccupations sur la culture du café. Mais ce qui est nécessaire est de rendre disponible tout ce que le caféiculteur a tant besoin pour son métier. Comme cela, la production augmentera et la hausse du prix s'en suivra. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par CM salue cette hausse de prix du kilogramme de café cerise. Toutefois, Faustin Dekoumane, directeur national de la PARCEM, estime qu'il faut des mesures d'accompagnement, notamment la disponibilisation des fertilisants, les campagnes de pulvérisation et de multiplication des plants. On l'écoute. L'augmentation du prix du café est une très bonne chose en soi, mais qui nécessite beaucoup de mesures d'accompagnement. On pourrait dire que l'augmentation des prix est un facteur d'augmentation de la production parce que ça stimule la production, ça stimule le producteur, l'agriculteur, qui a depuis longtemps réclamé l'augmentation du prix parce que le travail du café est très exigeant, prend beaucoup de temps. D'ailleurs, beaucoup se lamentaient en disant qu'on ne comprend pas comment le prix des haricots peut surpasser le prix du café. Alors, augmenter le prix de ce café ne suffit pas, alors il faut des mesures d'accompagnement. Au niveau de la production, il faut reprendre les pratiques suivantes. La campagne de fertilisation, parce que 5 ans viennent de passer alors que cette campagne n'est pas organisée régulièrement. La disponibilisation des engrais appropriés, la campagne de pulvérisation, de désinsectisation, la campagne de mise en place des plans, le travail des moniteurs agricoles pour encadrer le travail des agriculteurs à la base sont bonnes pratiques mais qui ont été abandonnées progressivement et qui cause un tort énorme au niveau de la production du café. Sans oublier aussi la non-maîtrise de la croissance démographique qui provoque l'atomisation des terres agricoles et va faire le lit de la concurrence entre les produits vivriers et les produits d'exportation, en défaveur de ces derniers, parce que le paysan, l'agriculteur, devra toujours favoriser les produits vivriers. Au niveau de la vente, il faut supprimer cette roudure administrative qui cause un grand retard dans l'exportation. Beaucoup d'exportateurs se lamentent. Mais les clients étrangers, les importateurs de l'extérieur qui importent le café Burundi se plaignent du retard entre la commande et la livraison. Manque de marketing offensif. Pour bien vendre son produit, il faut un marketing professionnel offensif avec des ressources humaines compétentes dans ce domaine. Et le gouvernement du Burundi devrait financer davantage le secteur caféicole pour son développement. Propos de Pierre Claver Nahimana, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le financement de ce secteur est toujours faible, dit-il, ce qui réduit la production. Pierre Claver Nahimana propose qu'il y ait une volonté de l'État d'encadrer la culture du café et des stratégies de favoriser les investisseurs pour que ce secteur ne tombe pas en faillite. Suivez. Le gouvernement ou le pays doit s'arranger pour engager des réformes agraires assez profondes pour que le système agraire soit plus favorable au développement de l'agriculture. D'abord, c'est la gestion des terres, que ce soit les terres de l'État, que ce soit les terres des agriculteurs, que ce soit des terres des privés. Ils doivent avoir une réglementation très rigoureuse de la part du pays pour que ces terres, ces propriétés foncières soient utilisées de façon rationnelle et de façon économique. Donc, on ne peut pas permettre que chacun fasse n'importe quoi, fasse ce qu'il veut sans autre considération. Donc, il faut en faire de sorte que le café puisse trouver sa place. Et d'autres cultures, les cultures vivrières, le coton, et d'autres cultures industrielles, telles le coton et le thé, puissent aussi trouver leur place et soient aussi développées. Il faut aussi que dans cette politique, il y ait une volonté ferme de l'État d'encadrer très sérieusement la culture du café. Actuellement, on dirait qu'on laisse cela aux agronomes, ou alors aux gens de collines pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas possible que le café soit laissé à lui-même. Il faut qu'il y ait des stratégies de trouver des financements, des investissements pour investir dans ce secteur avec l'appui de l'État. Il faut favoriser les investisseurs dans ce secteur. Pierre Claver Nahimana, ancien ministre burundais de l'Agriculture. En manque de textes d'application et de personnel qualifié dans le domaine des médicaments vétérinaires ainsi que des pesticides sont quelques défis auxquels est confrontée l'autorité burundaise de régulation des produits vétérinaires, des pesticides et des aliments, abrévé PEA. Des précisions de Léopold Manelakiza, directeur général de cette autorité, lors d'une réunion d'élaboration des outils juridiques pour le fonctionnement de cet organe. C'était ce mardi. Il a signalé que le Burundi veut être au même rang que les pays de la communauté est-africaine dans la réglementation de l'importation des produits vétérinaires, des produits pharmaceutiques et pesticides. Suivez. Jusqu'à présent, la BBPA a connu quelques problèmes de pouvoir mettre en place tout le personnel. Et le problème alors, qu'on rencontre, c'est que maintenant, pour quelques cas, on n'a pas de texte d'application. Comme pour le cas des produits vétérinaires, on n'a pas encore mis en place les textes d'application. Les services qu'on fasse aux partenaires sont jusqu'à présent gratuits. Or, aujourd'hui, alors, la BBPA aussi connaît un problème d'avoir quelques appareils, quelques outils de travail qui sont en cours d'être achetés. Et on pourrait acheter l'année prochaine parce que le budget 25-26 a pu disponibiliser une somme quand même très considérable pour acheter ces outils. Alors, quand on aura les outils de travail et quand on aura les textes d'application, la BDPA pourra démarrer et aura aussi fait ses missions en utilisant des outils qui donnent des résultats palpables à ce que l'usager ne se plaint pas, soit disant qu'on veut faire du mal ou bien on veut disqualifier ses produits. Et puis aussi, elle n'avait pas les guides, les produits, les pesticides, les produits vétérinaires. Alors, il faut aussi se rassurer que ces produits qui seront importés sont conformes à la réalité. Ça veut dire que les indices qui se trouvent sur le produit, on devra vérifier réellement que les produits importés sont conformes à la réalité. Mais jusqu'à présent, on manque des outils de vérification. Nous sommes le cinquième pays qui vient de mettre en place cette autorité de régulation. Parce qu'il y a d'autres pays qui n'en ont pas, notamment la RDC, la Somalie, le Sud-Soudan. Mais il y a d'autres pays qui ont déjà mis en place les autorités qui sont déjà avancés, on pourra se référer à eux pour nous aussi aller très vite, pour être à leur niveau. Parle, rassure-moi. Le langage des leaders qui jettent le tort aux autres est une attitude des gens qui refusent de prendre une responsabilité quand des choses n'ont pas bien marché. C'est ce qu'affirme l'expert en leadership Emmanuel Ndikumana. Il indique que les conséquences de ce langage peuvent amener à une confrontation entre les membres de la société. Ceci est confirmé par la population de la commune Buhiga en province Karusi, qui estime que cet égoïsme de certains leaders conduit souvent à des violences de masse. La chronique parle, rassure-moi, avec Francine Dehokubgay. Iyo tuvuze imvugo itinkubire ni imvugo y'imvane mu Kirundi cyumvikana. Pour Emmanuel Ndikumana, expert en leadership, ce langage du blâme est particulièrement répandu chez ceux qui refusent de reconnaître leurs erreurs par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés. Nous devons comprendre que cela se passe principalement quand il y a un échec, quand on n'a pas pu atteindre l'objectif ou les objectifs qu'on s'était fixés. Ce qui montre ce langage, c'est quand les responsables commencent à utiliser un langage qui les distingue des autres. C'est quand on commence à entendre « je » ou « nous » par rapport à eux. C'est comme s'il y a une différence entre moi et l'autre groupe ou l'autre catégorie. Donc, de telle manière à ce que, quand je parle de moi, quand je parle de nous, je vais le faire en essayant d'embellir donc la situation, en essayant de me taire ou de ne pas parler de ce qui n'a pas marché de mon côté. Sur la colline Mngoya, en commune Buhiga, les habitants interrogés confirment les effets néfastes de cette attitude. Ils affirment que ce type de discours divise les gens, crée des tensions et peut même conduire à des conflits violents, voire à des meurtres. Toi, tu te fais un ange et salis les autres à cause de ton égoïsme. Il manque que ces situations ne le regardent pas et qu'il ne les a pas créées. Il aura donc attisé la haine entre ceux à qui les a jeté la responsabilité. Il va donc commencer à se chamailler, fin de fait, ça va aboutir à des tueries. Moi, quand j'ai un dossier qui est en justice et que les responsables établissent la vérité, quelqu'un peut venir dire qu'ils n'ont pas été justes. Là, je cherche à l'affronter car il ment. Le chef de cette colline partage cet avis et souligne qu'Ambolider est celui qui reste proche de ses citoyens. Cette proximité permet de maintenir la cohésion au sein de la communauté et d'éviter les divisions. Dès que j'entends de tels discours dans le voisinage, j'interviens rapidement comme chef de colline pour calmer les esprits. Je vais animer beaucoup de réunions en faveur des gens de ma circonscription pour éviter de tels discours. Pour Emmanuel Ndikumana, cet expert en leadership, il est illusoire de penser qu'un responsable puisse toujours atteindre tous les objectifs prévus. Il insiste sur la nécessité pour les différents groupes de travailler ensemble, d'analyser collectivement les échecs et d'en comprendre les causes. C'est seulement ainsi qu'ils pourront trouver des solutions durables aux problèmes rencontrés. Et c'est par cet élément sonore que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.